Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gourmet du Pré 1862. Question 59. Du pouvoir judiciaire du Christ. Le pouvoir judiciaire ne convient proprement qu'au Christ. Il a ce pouvoir comme Dieu et comme homme. Il l'a mérité comme homme. Tout est soumis à son jugement. Nécessité d'un jugement final ou dernier. Il jugera, comme homme, les anges eux-mêmes. 1. Le pouvoir judiciaire devait-il être spécialement attribué au Christ? Dieu l'a établi le juge des vivants et des morts. Actes des Apôtres, 10, 42. Il convenait que le Fils de Dieu fût investi du pouvoir de juger. Le Verbe, dit saint Augustin, est la vérité immuable, la loi des arts et l'art même du suprême artisan. De même que nous avons nous-mêmes le droit de juger par la vérité ce qui est au-dessous de nous, de même la suprême vérité, dont nous dépendons, a le droit de nous juger, et personne n'a celui de la juger, pas même le Père, auquel elle n'est pas inférieure. Ce que le Père lui-même juge, il le juge par elle, comme le marque cette parole, le Père ne juge personne, il a donné tout jugement à son Fils. Note. Puisque Dieu le Père, qui a fait toutes choses par son Fils comme par son art, juge aussi toutes choses par lui, le pouvoir judiciaire qu'il possède radicalement doit être spécialement attribué au Christ. Fin de la note. 2. Le pouvoir judiciaire appartient-il au Christ comme homme? Dieu lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Jean 5, 27. Nous l'avons reconnu le Christ même en tant qu'homme, est le chef de l'Église, et Dieu lui a tout assujetti. Il s'ensuit que la puissance judiciaire lui appartient, même sous le rapport de sa nature humaine, et cela pour un triple motif, d'abord, à cause de son union et de son affinité avec les hommes. Dieu veut nous juger par lui, afin que son jugement nous soit plus doux, selon cette parole de l'apôtre, nous avons en lui un pontife qui peut compatir à nos infirmités. Hébreux 4, 15. La seconde raison, c'est qu'au jugement dernier, Dieu ressuscitera les corps par le Fils de l'homme, comme il ressuscite maintenant les âmes par le même Christ, en tant qu'il est le Fils de Dieu. Enfin, il était juste que les bons et les méchants, qui seront jugés, puissent apercevoir leur juge. Note. L'âme du Christ reçoit de son union avec la divinité la connaissance des secrets des cœurs et le droit d'en juger. Voilà pourquoi il est écrit, « En ce jour, Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ. » Romains 12, 16. Fin de la note. 3. Le Christ a-t-il acquis par ses mérites le pouvoir de juger? Job 36, 17, disait, « Votre cause a été jugée comme celle de l'impie, c'est pourquoi vous recevrez le jugement et la justice. » Rien n'empêche qu'une seule et même chose ne soit due à quelqu'un pour plusieurs motifs. Quoique la puissance judiciaire appartienne à notre Seigneur à raison de sa personne divine, de sa dignité de chef et de la plénitude de sa grâce habituelle, il l'a néanmoins mérité. Celui-là, d'après la justice de Dieu, devait être juge qui avait combattu et vaincu pour la justice, après avoir été injustement jugé. Il le disait lui-même, « J'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. » Apocalypse 3, 21. 4. La puissance judiciaire du Christ s'étend-elle à toutes les choses humaines? Il est écrit, « Le Père a donné tout jugement à son Fils. » Jean 5, 22. À considérer la nature divine du Christ, Tout jugement lui appartient comme au Père lui-même. À considérer sa nature humaine, le jugement de toutes les choses de ce monde lui appartient encore, tant à raison de l'union hypostatique de son âme avec le Verbe de Dieu qu'à cause des mérites même de sa mort, car, comme le dit l'apôtre, il est mort et il est ressuscité pour exercer la souveraine puissance sur les vivants et sur les morts. Aussi paraîtrons-nous tous devant son tribunal. Romains 14, 9 et 10. Si sa puissance judiciaire ne s'étendait pas à toutes les choses humaines, qui ont pour fin notre salut éternel, comment pourrait-il, dans son jugement, admettre les hommes à la béatitude ou les en exclure? 5. Après le jugement rendu dans le temps présent, en reste-t-il un autre? La parole que je vous ai annoncée, disait notre Seigneur, jugera, au dernier jour, celui qui me rejette. Jean 12, 48. Il y aura donc un jugement final au dernier jour du monde. Remarquons-le bien, notre vie temporelle est dépendante de l'avenir sous certains rapports. Elle survit dans la mémoire des hommes, qui l'honorent ou la flétrissent. Elle survit dans les enfants, comme le marque cette parole, un père meurt, et il ne semble pas mort, il a laissé son semblable après lui, Ecclésiastique 30, 4, et cependant beaucoup de mauvais fils ont de bons parents, et, réciproquement, beaucoup de mauvais parents laissent après eux de bons fils. Elle survit par ses œuvres, l'hérésie d'Arius et des autres sectaires engendrera l'infidélité jusqu'à la fin du monde, et jusque-là aussi la prédication des apôtres propagera la vraie foi. Elle survit quant au corps, qui, tantôt enseveli avec honneur, et tantôt privé de sépulture. Elle survit dans les choses où nous mettons notre affection, car si, parmi les biens temporels, il en est qui passent avec rapidité, il en est d'autres aussi qui ont une longue durée. Rien de tout cela ne doit échapper à l'appréciation du jugement divin, et, cependant, il ne se peut pas que, durant le cours des siècles, toutes ces choses soient jugées complètement et définitivement. Il faut, dès lors, qu'il y ait, au dernier jour, un jugement suprême qui assigne, avec une équité notoire, ce qui appartient, sous tous les rapports, à chacun des hommes. 6. Le pouvoir judiciaire du Christ s'étend-il sur les anges? L'apôtre disait, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Nous n'en serons les juges que par l'autorité du Christ. » À plus forte raison, le Christ lui-même a le pouvoir de les juger. Ce pouvoir lui appartient à raison non seulement de sa nature divine, mais de sa nature humaine. D'abord, l'union hypostatique donne à son âme une vertu plus parfaite que celle des esprits célestes. Le Verbe, dit saint Paul, ne s'est jamais uni les anges, et cependant il s'est uni la race d'Abraham. Hébreux 2, 16. Ensuite, sa nature humaine a mérité, par les abaissements de la passion, d'être élevée au-dessus des anges, si bien que, selon les expressions de l'apôtre, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir au ciel, sur la terre et dans les enfers. Philippiens 2, 10. Enfin, les anges ont des fonctions par rapport aux hommes, dont le Christ est tout particulièrement le chef, et dès lors ils lui sont assujettis, sous un triple rapport, dans les œuvres qui concernent notre salut. Premièrement, tous, quant à la dispensation des œuvres qu'ils doivent accomplir. Deuxièmement, les bons, quant à leur récompense accidentelle. Conformément à cette parole, il y a une grande joie parmi les anges de Dieu, lorsqu'un pécheur fait pénitence. Luc 15, 10. Troisièmement, les mauvais, quant à leurs punitions accidentelles, dont nous avons un exemple dans Secret de l'un d'eux, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous, Jésus de Nazareth? Êtes-vous venu pour nous perdre? Marc 1, 24. Quatrièmement, les bons et les mauvais, en ce qui est essentiel à leur état heureux ou malheureux. Mais ceci fut accompli dès l'origine du monde en tant que le Christ est le Verbe de Dieu. Note. On peut dire, en général, que tous les êtres, sans exception, sont régis par l'âme du Christ, supérieur à toute créature. Dieu n'a pas, pour cela, mis à la tête du gouvernement du monde un autre que lui-même, le Christ notre Seigneur est tout à la fois Dieu et homme. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.